Le vent dans tes cheveux capture ton parfum. Au-delà des nuages, elle porte jusqu'à moi. Il amène avec lui la chaleur de tes mains posées sur mon visage qui ne voit plus que toi. Il est nullement froid et teinté de magie. Il diffuse en mon cœur un parfum de tendresse. Alimente ce feu qui a réchauffé ma vie et vient combler le vide et bannir mes faiblesses. Écoute battre mon cœur, il s'affole, il chavire. Tu es le capitaine de ce petit navire. Il entraîne avec lui l'amour que tu me portes, cet amour que longtemps j'attendais sans y croire, si fort que chaque jour il comble mes espoirs et balaye devant moi toutes les feuilles mortes. Le vent m'ouvre la route et me dit de le suivre. Il ne me quitte plus depuis que je t'ai vu. Il me souffle à l'oreille, continue, tu vas vivre le bonheur que tu cherches et que tu battre mon cœur. Il s'affole, il chavire. Tu es le capitaine de ce petit navire. Il porte en lui les mots qui décorent mes phrases et m'accorde le droit de les saisir au vol, juste pour un instant, pour un moment d'extase, comme si mes deux pieds ne touchaient plus le sol. Le vent dans tes cheveux te donne un air de fête, les rayons du soleil semblent les caresser. Allô, un air illuminé. Écoute battre mon cœur, il s'affole, il chavire. Tu es le capitaine de ce petit navire. Je suis bien, je suis calme, je n'ai plus qu'une idée, te serrer contre moi, contre mon cœur, mon âme, sentir ton corps fragile, brûler de mille flammes. J'ai juste envie de toi, juste envie de t'aimer. Écoute battre mon cœur, sa folie chavire. Tu es le capitaine de ce petit navire. Écoute battre mon cœur, il sa folie chavire. Tu es le capitaine de ce petit navire, de ce petit navire.